Chapitre 16e. Mr. et Mrs. Quiverful sont enfin heureux. Mr. Slope est favorisé par la presse. Avant de partir pour Ullathorne, Mrs. Proudie, en femme soigneuse, n'avait pas voulu différer plus longtemps l'envoi de deux lettres à Puddingdale, l'une écrite par elle, l'autre par l'évêque. Aussitôt que le départ de la voiture laissa inoccuper le garçon d'écurie, il partit sur le propre poney de sa seigneurie avec les deux missives. L'évêque priait simplement M. Quiverful de lui rendre visite le lendemain à 11 heures du matin. Mrs. Proudie priait simplement Mrs. Quiverful de faire la même démarche auprès d'elle, mais son billet était moins concis que celui de l'évêque et était écrit d'un style plus pompeux. Mrs. Proudie s'était fait un cas de conscience de terminer cette grosse affaire de l'hospice. Elle voulait que M. Quiverful eût la place et qu'il l'eût sans délai, sans une nouvelle alternative d'acceptation et de refus, sans nouvelle menée de M. Slope en opposition à sa propre volonté. « Évêque, dit-elle aussitôt après le premier déjeuner de ce jour, qui devait être si rempli d'événements, avez-vous signé la nomination ?»« Non, ma chère, pas encore. » »« Alors, signez-la. » L'évêque signa. Il passa une délicieuse journée à Ullathorne. En rentrant au palais, il lut dans la chambre de sa femme un verre de négus et lut avec une douce satisfaction le dernier numéro de la petite Dorrit. « Oh, mes amis qui êtes en puissance de femme, soyez souples et dociles, et vous verrez combien l'obéissance ajoutera de confort et d'agrément à votre vie. » Il est inutile de dire que les deux lettres causèrent à Puddingdale un grand trouble et qu'elles ranimèrent des espérances depuis quelque temps bien affaiblies. Mrs. Quiverful, dont l'oreille toujours au guet avait entendu le pas du poney trottant vers la porte de la cuisine, les apporta vivement à son mari. Elle les avait fait mettre dans son tablier afin d'éviter de les souiller avec ses mains occupées en ce moment à confectionner une étuvée de viande pour nourrir les 16 bouchers de la maison. Elle et son mari se partagèrent les dépouilles, chacun prenant la lettre adressée à l'autre. « Quiverful, dit-elle d'une voix solennelle, « vous devez être au palais demain à 11 heures. » « Et vous aussi, ma chère, » dit-il, bégayant presque d'émotion, et ils échangèrent les lettres. « Elle ne m'appellerait pas de nouveau, » dit la dame, « si tout n'était pas réglé en notre faveur. »« Oh, ma chère, n'ayez pas trop de confiance, » répondit M. Quiverful. « Songez un peu si c'était le contraire. »« Elle ne m'aurait jamais appelé, Quiverful, si ça avait été le contraire. »« Elle est fière, raide et dure comme une croûte de pâté, mais elle est droite au fond. » Tel fut le jugement que porta Mrs. Quiverful sur Mrs. Proudie, jugement duquel elle ne se départit jamais dans la suite. Quand on voit son revenu doublé, on est assez porté à croire que ceux à qui l'on doit cet avantage sont droits au fond. « Oh, Letty !» dit M. Quiverful, se levant de son fauteuil usé. « Oh, Quiverful !» dit Mrs. Quiverful, et les deux époux, sans plus songer au tablier de cuisine et aux mains graisseuses, se donnèrent une chaude embrassade. « Au nom du ciel !» dit la femme, « ne vous laissez plus persuader par des cajoleries de faire un nouveau refus. » « Reposez-vous-en sur moi, » répondit le mari, avec un regard farouche et appuyant son poing fermé sur son bureau, comme s'il le tenait sur la tête de M. Slope. « Je me demande quand ce sera, » dit-elle. « Je me demande si ce sera, » répondit M. Quiverful, peu confiant encore dans le succès. « Je ne voudrais pas montrer trop d'assurance, » dit la dame. « Deux fois déjà la coupe a été retirée de nos lèvres, et cela pourrait arriver encore une fois, mais non. » « Je ne peux pas le croire. Il vous donnera demain la nomination, vous verrez. »« Que le ciel vous entende !» dit M. Quiverful avec solennité. Et tous deux s'assirent près l'un de l'autre, se regardant tendrement. Ils parlèrent des difficultés de leur vie, comme ils le faisaient si souvent, et de leurs espérances, ce qu'ils n'avaient eu que trop rarement l'occasion de faire. « Vous auriez bien fait de passer chez cet homme au sortir du palais, » dit Mrs. Quiverful, montrant du doigt une lettre du marchand de draps de Barchester qui contenait une demande pressante d'argent. Quand le bruit s'était répandu que les Quiverful iraient à l'hospice, il avait mis avec empressement toutes ses marchandises à leur disposition. Il se disait qu'il serait payé avec les fonds de l'hospice et se flattait que le père de 14 enfants, pourvu d'un revenu suffisant pour les bien habiller, serait un excellent client. mais quand il entendit dire que ce n'était plus M. Quiverful qui serait nommé, il réclama avec aigreur son argent. Et les 14, ou du moins ceux d'entre eux qui étaient assez âgés pour concevoir et discuter des espérances, causèrent entre eux de l'avenir doré qui s'ouvrait devant eux. Les grandes jeunes filles parlaient tout bas de réunions possibles à Barchester, de pensions possibles pour leurs toilettes, d'un piano possible. Celui qui était à la cure avait été si maltraité par le temps et par les mains des enfants qu'il ne pouvait plus désormais porter ce nom. Du joli jardin, de la jolie maison. Les plus jeunes ne chuchotaient pas, mais criaient à tue-tête qu'ils auraient une pelouse pour leur jeu, qu'ils auraient chacun leur petit jardin, qu'il leur serait facile d'acheter des billes à Barchester, qu'ils iraient dans une école de la ville. En vain, la mère prudente essayait de diminuer dans leurs âmes la confiance qu'elle avait voulu affermir chez son mari. En vain, elle répétait à ses filles qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. En vain, elle voulait faire croire aux petits qu'ils vivraient à Puddingdale toute leur vie. Les espérances étaient trop exaltées pour être contenues. Les fermiers du voisinage apprirent les nouvelles et vinrent féliciter le digne couple. C'était Mrs. Quiverful qui avait allumé le feu, et dans la première explosion de joie que causait ce retour d'espérance, elle l'avait si bien allumé qu'il lui était impossible à présent de l'éteindre. La dernière personne dans tout Barchester qui eût voulu gâter un tel bonheur s'il en avait été le témoin, c'était assurément M. Harding. Quels besoins personnels avait-il à opposer à ceux de cette bande d'affamés? Il y en avait 14 vivants et bien endentés. Pour M. Harding, cet argument était tout puissant en faveur de M. Quiverful. Le matin du jour suivant, M. Quiverful et sa femme se rendirent à l'appel qui leur avait été fait, avec la ponctualité naturelle aux gens qui vont chercher une faveur. Ils empruntèrent le cabriolet du fermier voisin et partirent après avoir recommandé à toute leur maisonnée de les attendre pour une heure et aux plus âgés de tenir prêt pour cette heure le reste de l'étuvé que la mère prévoyante avait préparé le jour précédent. Les aiguilles de l'horloge de la cuisine marquèrent 2, 3, 4 heures avant que l'on entendît le bruit des roues du cabriolet. Combien les cœurs palpitaient au retour des voyageurs. « Je suis sûr, enfant, que vous supposiez que nous ne reviendrions jamais, » dit la mère en descendant lourdement du cabriolet, appuyée sur l'épaule robuste de l'aîné de ses fils. « Quelle journée !»« Quels baisers et quelles étreintes, alors, que de larmes et de rires !» M. Quiverful ne pouvait tenir en place. Il allait d'une pièce à l'autre, puis dans le jardin, puis il descendait l'avenue qui conduisait à la route, puis il revenait à sa femme. Celle-ci, cependant, ne perdait pas son temps. « Il faut nous mettre à l'œuvre, mes filles. Mrs. Proudie désire que nous soyons installés dans la maison de l'hospice le 15 octobre. » Mrs. Proudie eût-elle exigé qu'ils y fussent déjà installés le lendemain matin, que les jeunes filles n'y eussent point fait d'objection. « Et quand le traitement commencera-t-il à être payé ? » demanda l'aîné des garçons. « Aujourd'hui, enfant, » dit la mère avec un sourire de satisfaction. « Oh, quel bonheur !» dit l'enfant. Mrs. Proudie a insisté pour que nous passions par l'hospice, et une fois là, j'ai cru que je pouvais économiser une journée en mesurant quelques-unes des pièces et des fenêtres. J'ai pris pour cela du cordon chez Bobbins. Bobbins est aussi poli que possible maintenant. « Ce n'est pas malheureux, » dit l'une des filles. « Oh, c'est ainsi que vont les choses, mon enfant. Ils sont tous les mêmes. Autant vaudrait vous fâcher contre un dindon qui glougloute après vous. C'est dans sa nature. » Et tout en énonçant ses vérités, résultat de ses observations et de son expérience de ménagère besogneuse, elle tirait de sa poche des morceaux de cordon représentant la longueur et la largeur des différentes pièces de la maison de l'hospice. Nous la laisserons livrer avec bonheur à ses travaux. Les Quiverful avaient à peine quitté le palais, et Mrs. Proudie parlait encore de l'hospice à son mari, quand un autre visiteur fut annoncé dans la personne du docteur Gwine. Il avait demandé l'évêque et non Mrs. Proudie. Aussi, en entrant dans le cabinet de travail, fut-il plus étonné que satisfait d'y trouver cette dame. Mais il faut reprendre les choses d'un peu plus haut. En revenant de Yulathorne dans la voiture du docteur Grantly, le docteur Gwine avait amené, non sans difficulté, son ami à suivre une ligne de conduite moins belliqueuse à l'égard de l'évêché. « Il serait peu convenable à nous de montrer de la mauvaise humeur. De plus, dans cette affaire de nomination, nous ne pouvons rien. Ce serait de l'arrogance à nous d'agir en hommes qui ont le droit de vouloir alors que nous ne l'avons pas. si l'évêque est décidé à nommer un autre que M. Harding, les menaces n'auront qu'un effet sur lui, et un archidiacre ne peut décemment menacer son évêque. S'il donne la place à un étranger, l'indignation publique fera justice de cette iniquité. Mais j'aime à croire que votre beau-père ne sera pas victime d'un semblable abus de pouvoir. J'irai seul chez l'évêque, si vous voulez m'y autoriser. Seul, je serai plus calme. En tout cas, je saurai définitivement quelles sont ses intentions. » L'archidiacre était dans une agitation extrême. Il ouvrait et fermait la vitre de la voiture. Il ne cessa de faire des objections qu'en arrivant à sa porte. Il céda enfin. Tout le monde était contre lui, sa femme, M. Harding et le docteur Gwynne. « Calmez-le, je vous en prie, docteur Gwynne, » avait dit Mrs. Grantly à son hôte. « Ma chère dame, je ferai de mon mieux, » avait répondu le principal, toujours courtois, et il avait gagné ainsi la reconnaissance de Mrs. Grantly. Retournons maintenant dans le cabinet de travail de l'évêque. Le docteur Gwynne n'avait pas prévu la difficulté qui se présentait. Lui, comme tout le monde clérical d'Angleterre, il avait bien entendu dire que Mrs. Proudie exerçait son activité en dehors de ce qui est le domaine d'une femme, mais il n'aurait jamais pensé que, venant voir un évêque à 1 heure, il le trouverait en colloque avec sa femme, ou que, s'il la rencontrait ainsi, elle resterait plus que le temps nécessaire pour faire sa révérence. Il fut évident toutefois que, dans le cas présent, Mrs. Proudie ne songeait nullement à faire retraite. L'évêque avait été enchanté du docteur Gwynne le jour précédent, et pensait naturellement que les sentiments du docteur étaient les mêmes à son égard. Il vit dans sa visite une visite de politesse, et trouva qu'il était très gracieux au principal du collège de Saint-Lazare de se rendre de Plumstead à Barchester expressément pour lui faire une visite aussitôt après son arrivée. Le fait qu'il n'avait pas les mêmes opinions en politique et en doctrine rendait à ses yeux la démarche du docteur plus flatteuse encore. Il fut donc tout sourire, et Mrs. Proudie, qui ne dédaignait pas d'être aimable avec les gens connus, était disposée à très bien accueillir le principal du collège de Saint-Lazare. « Quelle charmante partie nous avons eue hier, monsieur le principal, » dit-elle. « J'espère que Mrs. Grantly est rentrée chez elle sans trop de fatigue. » Le docteur Gwynne dit qu'elle avait été un peu fatiguée, mais qu'elle était tout à fait remise ce matin. « Une excellente personne, Miss Thorne, » dit l'évêque. « Et une chrétienne exemplaire, à ce que l'on m'a dit, » ajouta Mrs. Proudie. Le docteur Gwynne se déclare enchanté de l'apprendre. « Je n'ai pas encore vu ces écoles du dimanche, » continua la dame, « mais je me ferai un devoir de les visiter bientôt. » Le docteur Gwynne se contenta de s'incliner. Il avait entendu parler par l'archidiacre et par M. Harding des écoles du dimanche de Mrs. Proudie. « À ce propos, monsieur le principal, » « je ne sais si Mrs. Grantly aimerait à me voir aller visiter la sienne. J'ai entendu dire qu'elle était parfaitement tenue. » Le docteur Gwynne ne pouvait réellement le lui dire. Il ne doutait pas que Mrs. Grantly ne fût heureuse de voir Mrs. Proudie le jour où elle lui ferait l'honneur de venir chez elle, pourvu toutefois que Mrs. Grantly se trouvât chez elle. Une ombre passa sur le front de la dame. Elle comprit que son offre n'était pas reçue avec plaisir. Cette génération de vipères s'obstinait dans sa perversité, s'endurcissait dans l'iniquité. « L'archidiacre, dit-elle, je le sais, est hostile à ces institutions. » Le docteur Gwynne eut un léger sourire. Ce ne fut qu'un sourire, mais eût-il dû lui coûter sa position, il n'eût pu le réprimer. Le front de Mrs. Proudie se rembrunit encore. « N'éloignez pas de vous les petits-enfants, dit-elle. Ne devons-nous pas nous rappeler ce commandement, docteur Gwynne ? Prenez garde de dédaigner un seul de ces petits. Ne devons-nous pas nous rappeler ce commandement, docteur Gwynne ? » Et à chacune de ces citations, elle dirigeait contre lui un doigt menaçant. « Certainement, madame, certainement, » dit-il, « et l'archidiacre suit ses préceptes pendant la semaine aussi bien que le dimanche. » « Pendant la semaine, vous n'avez pas à éviter de les dédaigner, » dit Mrs. Proudie, « puisqu'ils sont au champ. Pendant la semaine, ils appartiennent à leurs parents. Le dimanche, ils appartiennent aux prêtres. » Et le doigt menaçant se leva encore. Le docteur commença à comprendre et à partager l'aversion profonde que manifestait l'archidiacre même pour le nom de Mrs. Proudie. Que faire avec une femme comme celle-là? Prendre son chapeau et partir? Mais il ne voulait pas avoir fait une visite inutile. « My lord, » dit-il, Je désirais vous parler pour affaire, si vous pouvez me donner un moment. Je vous demande pardon de vous déranger, mais 5 minutes au plus me suffiront. Certainement, monsieur le principal, certainement, mon temps est à vous. Ne vous excusez pas, je vous en prie, ne vous excusez pas. Vous avez beaucoup à faire en ce moment, évêque. Ne l'oubliez pas, dit Mrs. Proudie, que l'attitude un peu dédaigneuse du docteur avait irrité. Je ne retiendrai sa seigneurie qu'une minute, dit le principal, se levant, avec l'espoir que Mrs. Proudie se retirerait ou que l'évêque le conduirait dans une autre pièce. Mais les deux personnages demeurèrent immobiles, tandis que le docteur Gwynne, debout, semblait attendre en silence. Peut-être est-ce à propos de l'hospice, suggéra Mrs. Proudie. Le docteur Gwynne, confondu et ne sachant que faire, avoua que c'était au sujet de l'hospice qu'il désirait entretenir l'évêque. Sa seigneurie a donné ce matin l'emploi à M. Quiverful, dit-elle. Le docteur Gwynne regarda l'évêque et, après un signe affirmatif de celui-ci, prit congé. Nous avons dit que M. Slope, en partant pour Yulathorn, avait reçu de son ami M. Towers un billet qui l'avait mis en belle humeur, jusqu'au moment au moins de son dernier entretien avec Mrs. Bold. Il était laconique et ainsi conçu. « Cher monsieur, je vous souhaite tout le succès possible. Je ne sais si je pourrai vous aider. Si je le puis, je le ferai. Bien à vous. T. T. » Ces quelques mots disaient plus que toute la phraséologie de Sir Nicholas Fitzwilliam, que toutes les promesses de l'évêque, eussent-elles été même sincères, qu'une bonne parole de l'évêque l'eût-il même obtenue. Tom Towers ferait pour lui ce qu'il pourrait. Tom Towers tint parole. Le lendemain, le Jupiter proclama que M. Slope était l'homme qu'il fallait pour le décanat vacant. M. Slope eut plaisir à lire les lignes suivantes, 30 minutes après l'arrivée du train de Londres. « Voici juste 5 ans que nous avons appelé l'attention de nos lecteurs sur la tranquille cité de Barchester. Depuis ce temps, nous ne nous sommes pas mêlés des affaires de cet heureux diocèse. Un vieil évêque décédé a été remplacé par un jeune prélat. Mais nous ne faisons qu'enregistrer un fait, sans avoir l'intention de le juger. Que l'âme du nouvel évêque demeure en paix. Nous ne sommes pas armés en guerre. C'est la branche d'olivier à la main que nous nous approchons des tours respectées de la vieille cathédrale. On se rappellera qu'à l'époque à laquelle nous faisions allusion, il y a 5 ans, nous avions eu l'occasion de faire quelques remarques relativement à l'hospice de Hiram. Nous pensions que cet établissement était mal administré et que le très estimable gentleman qui avait l'emploi de conservateur recevait des appointements trop considérables pour de très faciles fonctions. Ce gentleman, nous le disons en toute sincérité et sans la moindre intention ironique, n'avait jamais eu cette pensée auparavant. Mais la conséquence de nos observations fut qu'après réflexion, il partagea notre manière de voir et donna honorablement sa démission. L'évêque refusa de le remplacer jusqu'à ce que les choses fussent remises sur un meilleur pied. Le Parlement a réglé cette affaire et nous avons la satisfaction d'informer nos lecteurs que l'hospice de Hiram va être ouvert sans délai. Jusqu'ici, les fonds n'étaient affectés qu'à l'entretien de 12 vieillards. Désormais, le beau sexe aura aussi sa part de cette charité et 12 vieilles femmes compléteront le nombre de 24 pensionnaires. Il y aura une matrone, un économe et, on l'espère, des écoles pour les plus pauvres de la ville. Le conservateur recevra 450 livres et la charmante maison qu'occupait l'ancien conservateur sera l'habitation du nouveau. Le nouvel emploi a été naturellement offert au vénérable prêtre qui l'avait rempli si honorablement auparavant. Mais soit que l'introduction des pensionnaires femmes lui ait semblé devoir rendre son administration plus difficile, soit que la diminution des appointements l'ait détourné de reprendre des fonctions qu'il avait connues mieux rétribuées, soit qu'il ait depuis reçu de nouvelles fonctions ecclésiastiques, il a refusé les offres qui lui étaient faites et la place a été donnée à M. Quiverful, curé de Puddingdale. Tandis que nous parlons de Barchester, qu'il nous soit permis d'exprimer, avec toute l'humilité et avec tout le respect possible, notre opinion sur une autre matière d'administration ecclésiastique dans cette ville. Le docteur Trefoil, le doyen, est mort hier. Dans une autre colonne de ce numéro, nous parlerons brièvement de sa mort et de sa carrière. Le seul grief que nous ayons contre lui, c'est son âge. Et comme c'est là un crime dont nous espérons tous être coupables un jour, nous ne le lui reprocherons pas trop vivement. qu'il repose en paix. Mais nous espérons que les jours des fonctionnaires sexagénaires sont passés. S'il faut des doyens, il faut qu'ils servent à quelque chose. Ce qu'ils ont à faire sera mieux fait par un homme de 40 ans que par un homme de 60. Le docteur Trefoil est mort à 80 ans. Comme nous n'avons pas encore de loi qui institue des pensions pour les prêtres âgés, nous ne demandons pas qu'on fasse table rase des doyens qui sont au moins sexagénaires. Mais nous voudrions qu'il y en eût le moins possible. Si l'on nomme maintenant un homme de 70 ans, nous prenons la liberté de faire observer à Lord X qu'il sera hors de service dans un ou deux ans, en admettant qu'il ne le soit pas déjà. Sa seigneurie nous permettra de lui rappeler que tous les hommes ne sont pas, comme elle, des arbres toujours verts. Nous apprenons qu'il a été question de M. Slope pour cette position. M. Slope est en ce moment chapelain de l'évêque. Ce serait un choix excellent. M. Slope est un homme de talent, jeune, actif, au courant des affaires de la cathédrale. Il est de plus, nous le croyons en conscience, un prêtre d'une piété sincère. Nous savons que ses services dans le diocèse ont été hautement appréciés. C'est un prédicateur éloquent et un savant consommé. Cette nomination inspirerait au public une entière confiance dans l'administration chargée de conférer les bénéfices et montrerait que notre Église a enfin renoncé à faire de ces hauts emplois comme des couches moelleuses où les prêtres hors d'âge attendent confortablement la fin d'une vie désormais inutile. M. Slope dégusta cet article avec une voluptueuse satisfaction. Peu lui importait de ce que l'on y disait de l'hospice. Il se réjouissait, il est vrai, de n'avoir pas réussi à réintégrer dans son emploi le père de cette virago qui avait si audacieusement outragé la décence en sa personne. D'autre part, Mrs. Proudie avait fait passer son protégé. Mais son esprit planait maintenant au-dessus de Mrs. Bold et de Mrs. Proudie. Il était assez familier avec la tactique du Jupiter pour savoir que le point capital de l'article était dans le dernier paragraphe. Il y avait la place d'honneur, celle qu'il aurait désirée. Il était vivement reconnaissant à M. Towers, et le cœur gonflé de joie, il voyait à l'avance le jour où il pourrait le recevoir princièrement à sa table, dans la résidence que lui attribueraient ses nouvelles fonctions. Il était heureux pour M. Slope que le docteur Trefoil fût mort pendant l'automne. Tous ces pourvoyeurs qui nous préparent notre repas du matin, tous ces rédacteurs du Jupiter étaient depuis quelque temps bien embarrassés de trouver quelque chose à mettre sous la dent de leurs lecteurs. On ne parlait pas à ce moment d'un nouveau président en Amérique. Il n'y avait pas eu de catastrophe de chemin de fer en Géorgie ni ailleurs. Il y avait disette absolue de banqueroute. La mort d'un doyen et la nomination nécessaire d'un successeur étaient un bienfait des dieux. Si le docteur Trefoil était mort en juin, M. Towers n'aurait pas connu si bien cette piété de M. Slope, dont il faisait si grand éloge. Nous laisserons pour quelque temps M. Slope jouir par anticipation de son triomphe, mais sans omettre de dire que sa joie n'était pas sans mélange. Il éprouvait un vif dépit, moins du refus de la veuve que de la manière dont ce refus lui avait été signifié. Pendant plusieurs jours, chaque fois qu'il pensait à l'outrage qu'il avait subi, il sentait sa joue encore brûlante. Il ne pouvait s'empêcher d'appliquer à Eleanor les épithètes les plus dures. Quand il disait ses prières, il ne pouvait se décider à lui pardonner. Les efforts même qu'il faisait dans ce sens n'avaient pour résultat que de lui rappeler plus vivement l'outrage et de redoubler en lui le désir de la vengeance. Et la signora, que n'aurait-il pas donné pour pouvoir la haïr, elle aussi? Mais non, il adorait le sofa même sur lequel elle était couchée. Tout n'était donc pas rose dans la vie de M. Slope, si grande que fussent ses espérances.